FrenchPod.com. Je vous félicite, Monsieur Perron. Vous vous êtes parmi les deux derniers candidats sélectionnés pour faire partie de mon prestigieux cabinet d'architecture. Je vous remercie d'avoir retenu ma candidature. Pour vous départager, en guise d'ultime test, je vais vous demander de me citer l'édifice qui vous semble le plus digne d'intérêt à Paris et, bien entendu, de m'expliquer pourquoi. C'est un choix difficile. Si je devais opter pour un bâtiment dans la capitale qui attire toute mon attention, je me prononcerais pour la pyramide du Louvre. Pour quelle raison ? D'abord parce que je suis fasciné par cette structure de métal et de verre. Cela entraîne un contraste des styles architecturaux, la fusion du classique avec le moderne. Je suis assez de votre avis. Ensuite, pour la controverse et les débats passionnés dont elle a fait l'objet lors de sa construction. C'est indéniable. Enfin, j'aime la légende qui entoure la pyramide. Le nombre de plaques de verre qui constituent le bâtiment se porte à exactement 666, le nombre associé à Satan. C'est passionnant, Monsieur Perron. Mais un véritable architecte n'apprend pas sa profession dans les livres de Dan Brown. Sachez que Yuming Pei a utilisé 673 plaques vitrées.